Chapitre 16e, le caissier. Le lendemain, M. de Beaupréau, remis de ses terribles émotions de la nuit, arriva à son bureau vers 10 heures. Williams lui avait promis cerise en lui disant « Beau-père, le soir du ménos, vous trouverez à votre porte une chaise de poste attelée. Dans cette chaise, un sac de louis, et à côté de ce sac de louis, Mademoiselle Cerise, ce qui vous permettra d'aller passer une lune de miel convenable quelque part à 100 lieues de Paris. » Williams tenait M. de Beaupréau par un double appât, Cerise et l'émission du mystérieux héritage. Donc, vers 10 heures, M. de Beaupréau arriva à son bureau en habit bleu, rasé de frais, souriant et bonhomme, derrière ses conserves, comme un philanthrope ou un négrophile. Mais à peine était-il installé dans son fauteuil de cuir vert, à peine plaçait-il auprès de lui sa tabatière et son mouchoir à carreaux bleus, il était voué au bleu, que Fernand Rocher entra. Fernand n'avait pas encore reçu ses terribles lettres de congé, écrites par Hermine et tombées aux mains de Williams. Le jeune homme était donc calme et souriant, comme tous ceux qui aiment et croient toucher à l'heure suprême du bonheur. « Ah, vous voilà, cher ami, » dit M. de Beaupréau en lui tendant la main. Fernand salua le chef de bureau. « Je viens vous rendre compte de ma petite mission, » dit-il. « Ah, » fit M. de Beaupréau, « je gage que vous vous êtes fort ennuyé. Hélas !» soupira Fernand, qui songea que pour complaire à son beau-père futur, il avait consenti à se priver d'une bonne et longue soirée passée auprès de Hermine. « Vous a-t-on parlé de moi ?»« Oui. J'ai dit que vous étiez souffrant et n'aviez pu sortir. »« Très bien. Maintenant, cher enfant, » poursuivit M. de Beaupréau, « puisque vous êtes devenu mon confident, soyez-le jusqu'au bout. » Et M. de Beaupréau prit un petit air mystérieux et son œil gris pétilla derrière ses lunettes bleues avec une expression de joie malicieuse. « Je vous écoute, monsieur, » répondit Fernand. « Cette petite, » poursuivit tout bas le chef de bureau, « me prend en réalité beaucoup de temps. Tenez, il va falloir que je sorte. Elle m'attend et m'a fait un peu son esclave. » Fernand sourit avec complaisance car au fond du cœur, il éprouvait un violent dégoût de ce vieillard amoureux. « Or, » continua Beaupréau, « vous allez vous installer ici en mon absence et vous jetterez un coup d'œil à mon travail du jour. » Je serai de retour dans une heure au plus. S'il survient quelques bons à payer, vous le payerez. Je vous laisse les clés de ma caisse. » M. de Beaupréau avait en effet une caisse et la disposition de certains fonds secrets au ministère. Cette caisse renfermait parfois jusqu'à 15 et 20 000 francs, partis en or, partis en billets. On appelait cela au ministère la caisse des secours mystérieux. Le bureau occupé par M. de Beaupréau était un grand salon précédé par une antichambre dans laquelle se tenaient 2 garçons de bureau et qui reliait cette pièce au bureau occupé par les commis. À droite de la cheminée se trouvait un vaste pupitre garni de casiers et de cartons verts devant lequel s'asseyait M. de Beaupréau. À gauche de la cheminée était la caisse, un coffre-fort modèle garni de 3 serrures, chacune munie de 2 clés. L'une de ces clés était dans les mains du caissier général du ministère, l'autre dans celle de M. de Beaupréau, de façon que ce dernier était soumis à un contrôle constant. « Allez fermer votre bureau, » dit Beaupréau à Fernand, « et revenez vite vous installer ici. » Fernand sortit. Rapide comme l'éclair, M. de Beaupréau se leva, ouvrit sa caisse, en retira un portefeuille qu'il fit disparaître dans les vastes poches de son pardessus d'alpaga, referma la caisse ensuite et vint se rasseoir dans son fauteuil. 2 minutes après, Fernand reparut. M. de Beaupréau se leva avec calme, prit son pardessus, le boutonna, et dit au jeune homme, en lui tendant un trousseau de clés, « Voilà, mon cher enfant, une belle marque de confiance que je vous donne. Il y a, par exception, 32 000 francs en caisse. « Monsieur ?» fit Fernand blessé. « Bon, » répondit le chef de bureau en souriant, « n'allez pas vous fâcher. Vous savez bien qu'un beau-père est toujours un peu défiant à l'endroit d'un gendre. » Et M. de Beaupréau donna sur la joue du jeune homme une tape amicale, l'installa dans son fauteuil et gagna l'antichambre d'où il passa dans ses bureaux. « Messieurs, » dit-il aux employés, « je sors pour 1 heure et laisse ma besogne à M. Rocher. Vous vous adresserez à lui, si besoin est. » Cela dit, M. de Beaupréau descendit le grand escalier du ministère avec un calme parfait, tourna l'angle du boulevard et monta dans une voiture de place, criant au cocher « Rue Saint-Lazare et au galop !» Cependant, Fernand, installé au bureau de M. de Beaupréau, dépouillait la correspondance de son chef depuis environ 10 minutes, lorsqu'un commissionnaire de coin de rue pénétra dans l'antichambre, une lettre à la main, et s'adressant à un huissier, demanda à voir M. Rocher. L'huissier ouvrit la porte du salon et fit entrer le commissionnaire. « Monsieur, dit ce dernier, qui n'était autre que Collard et qui avait sa leçon faite, je viens du coin de la rue Saint-Louis. Deux dames, une âgée et une jeune, qui descendaient vers le boulevard, m'ont remis cette lettre avec ordre de vous l'apporter ici sur le champ. Ma course est payée. » Et Collard tendit la lettre d'Hermine qu'il tenait de Williams, salua et sortit sur le champ. Fernand reconnut l'écriture de sa fiancée et tressaillit de joie en rompant le cachet. Mais à peine eut-il jeté les yeux sur les premières lignes qu'il pâlit, chancela, éprouva comme un éblouissement. Que signifiait ce congé, empli d'un froid dédain? Et comment celle qui lui souriait et la veillait encore avec amour pouvait-elle lui écrire ainsi? Pendant quelques secondes, Fernand demeura stupide d'étonnement et d'épouvante, tournoyant sur lui-même comme foudroyé. Puis une réaction se fit en lui. Il lut et relut cette lettre fatale, et s'élançant hors du bureau, oubliant l'absence de M. de Beaupréau et son devoir, il sortit, sans même prendre son chapeau, et tête nue, il se précipita vers la rue Saint-Louis, voulant à tout prix voir Hermine sur l'heure. Les deux huissiers qui le virent sortir s'imaginèrent qu'il montait à l'étage supérieur pour faire le service, surtout le voyant sans chapeau et sans pardessus. Fernand n'emportait qu'une seule chose, les clés de la caisse de M. de Beaupréau, qu'il avait mise dans sa poche au moment même où le chef de bureau le lui confiait. Un quart d'heure, puis une demi-heure s'écoulèrent, Fernand ne reparut pas. « Monsieur Rocher vient de sortir, » disaient les huissiers aux employés qui voulaient pénétrer dans le bureau de M. de Beaupréau. Et les employés rebroussaient chemin. Tout à coup, M. de Beaupréau rentra. « Monsieur Rocher est sorti, » répéta l'huissier. « Sorti, » fit le chef de bureau d'un ton surpris. « Oui, monsieur, sorti en mon absence. »« Oui, mais il est dans l'hôtel, sans doute, car il est sorti sans son chapeau. » « C'est bizarre, » murmura M. de Beaupréau, entrant dans ce bureau et s'y installant. Puis il parut se mettre au travail et comme si Fernand, selon lui, eût dû rentrer tout de suite. Et 10 minutes après, un monsieur vêtu de noir et dont la visite avait été annoncée au chef de bureau par un billet du ministre, un monsieur vêtu de noir, cravaté de blanc, grand et maigre, portant des cheveux longs et gras, et pourvu d'un nez pointu et presque diaphane, un musicien allemand, en un mot, se présenta et salua jusqu'à terre. Le musicien présenta à M. de Beaupréau un bon à payer de 1500 francs. À quel titre et pourquoi ce musicien touchait-il l'argent du ministère des Affaires étrangères? C'était ce que nul n'aurait pu dire, pas même M. de Beaupréau. « Diable, murmura M. de Beaupréau, votre visite est intempestive, monsieur, je n'ai pas les clés de ma caisse. » Une vive déception se peignit sur le visage maigre et bleuâtre du compositeur. « Mais, reprit M. de Beaupréau, je vais les avoir dans un instant, j'imagine. Veuillez vous asseoir. » Le musicien s'assit sur le bord d'une chaise avec la timidité d'un solliciteur et les yeux tournés vers cette bienheureuse caisse dont on attendait les clés. M. de Beaupréau se remit à la besogne. Une heure s'écoula, Fernand ne reparaissait point. Le chef de bureau laissa échapper une exclamation d'impatience et sonna violemment. « Comment ? » dit-il à l'huissier. « Monsieur Rocher n'est pas encore entré. »« Non, monsieur. Cherche-le. Montez à l'étage supérieur, il doit être dans l'hôtel, puisque son chapeau est là. » Et monsieur de Beaupréau indiqua du doigt le chapeau que Fernand avait laissé sur une chaise. L'huissier sorti, monsieur de Beaupréau se remit au travail. Le musicien ne bougea point. 10 minutes après, l'huissier revint. « Monsieur Rocher est sorti du ministère, » dit-il. « Sorti sans chapeau ? » ?»« Oui, monsieur. C'est impossible !» exclama le chef de bureau, qui jouait admirablement la surprise. Le concierge et les deux plantons sentinelles l'ont vu passer et sortir de l'hôtel, répliqua l'huissier. M. de Beaupréau se leva vivement. Mais où donc est-il allé? S'écria-t-il. Le concierge, ajouta l'huissier, a remarqué chez lui une certaine agitation. Il s'est mis à courir, et l'un des plantons l'a vu prendre le boulevard dans la direction de la Bastille. Cette fois, M. de Beaupréau eut le talent de pâlir et donner à son visage toutes les apparences d'une violente émotion. « Non, non, » murmura-t-il, comme se parlant lui-même, « c'est impossible, c'est étrange. Fernand est un honnête homme. »« Monsieur, » dit l'huissier stupéfait de ce monologue à haute voix, « j'oubliais de vous dire qu'un commissionnaire était venu et avait remis une lettre à M. Rocher, et que c'était avec cette lettre à la main que M. Rocher était sorti. » Ou alors il aura reçu quelque mauvaise nouvelle? Il aurait été forcé de sortir? Oui, j'aime mieux croire cela. murmura tout haut le chef de bureau avec un soupir de soulagement. Puis il regarda le musicien. « Cependant, je ne puis faire attendre éternellement, monsieur. » Et s'adressant à l'huissier, « Descendez à la caisse et priez monsieur le caissier général de se donner la peine de monter chez moi tout de suite. » L'huissier obéit. Monsieur de Beaupréau se mit à arpenter son cabinet de long en large, d'un pas inégal et brusque, laissant échapper des mots inarticulés et manifestant une extrême agitation. Peu après, le caissier arriva. « Monsieur, » dit le chef de bureau, qui parut dominer son émotion, « j'ai oublié les clés de ma caisse. Pourriez-vous me prêter les vôtres ? J'ai pensé que c'était pour cela que vous me faisiez appeler, et je vous les apporte. » Et il tendit les clés à Monsieur de Beaupréau, qui courut au coffre-fort et l'ouvrit. Mais soudain, le chef de bureau poussa un cri et recula, pâle, défait, chancelant, et comme si au fond de cette caisse, il eût vu surgir quelque sinistre apparition. « Mon Dieu ! » s'écria-t-il d'une voix étouffée. « Qu'avez-vous, monsieur ? » exclama le caissier, qui, le voyant chanceler, courut à lui et le soutint. Pendant quelques secondes, monsieur de Beaupréau parut être en proie à une sorte de vertige. Puis il se remit peu à peu et dit au caissier « Monsieur, nous avons fait ma caisse ensemble hier soir, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit le caissier, « elle contenait 32 533 francs 70 centimes. » dont 30 000 francs billets de banque contenus dans un portefeuille de maroquin vert. « Eh bien, » dit le chef de bureau d'une voix éteinte, « le portefeuille a disparu. »« Vous êtes volé ?» s'écria le caissier d'une voix retentissante qui fit accourir les huissiers et alla se répercuter jusque dans les bureaux des commis. M. de Beaupréau se laissa tomber sur un siège comme un homme anéanti. « J'ai confié les clés de ma caisse, dit-il, il y a une heure, à M. Rocher. » Et M. de Beaupréau cacha son front dans ses mains, comme si la honte d'avoir accordé sa fille à un voleur eût apposé déjà un stigmate indélébile. Cependant, les exclamations du caissier général, les cris du chef de bureau, les chuchotements des huissiers avaient ameuté en un clin d'œil tout le personnel du ministère. Fernand Rocher était aimé et jouissait de l'estime universelle. Il eut un cri d'incrédulité unanime en sa faveur. Puis les charges s'élevèrent contre lui avec une logique désespérante. Il avait eu les clés de la caisse en sa possession pendant 10 minutes. On l'avait vu sortir pâle et troublé. Il avait laissé son chapeau pour faire croire à une absence momentanée et n'éveiller aucun soupçon sur sa fuite. Fernand, on le savait, n'était pas riche. Il avait pu être tenté par une somme aussi ronde que celle de 30 000 francs. Enfin, les heures s'écoulaient et il ne revenait pas. Fernand Rocher était perdu.